Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité le Palais du Soleil de Kumsusan à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. Il a été accompagné des vice-présidents du Comité Central du Parti du Travail de Corée. Le camarade Kim Jong-un est entré avec les vice-présidents dans le hall où se trouvent les statues en pied du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il. Sur les deux côtés des statues se trouvaient les drapeaux du parti et de la République et la garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et de l'armée rouge des ouvriers et des paysans. Le chef de la garde d'honneur a fait le rapport d'accueil aux grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il. La corbeille de fleurs au nom du camarade Kim Jong-un a été déposée devant leur statue. Avec son entourage, le camarade Kim Jong-un a rendu l'hommage sublime aux grands leaders. Le camarade Kim Jong-un est entré dans la salle où se trouve conservé le corps embaumé du président Kim Il-sung. Avec l'entourage, il s'est incliné en signe de son hommage sublime avec la plus grande vénération envers le président Kim Il-sung.